Vers la fin de la première semaine du mois de décembre, Rastignac reçut deux lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa sœur aînée. La lettre de sa mère était ainsi conçue. « Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Mais dans quelle carrière t'engages-tu donc? Ta vie, ton bonheur, serait attaché à paraître ce que tu n'es pas? Avoir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent que tu ne peux soutenir? Sans perdre un temps précieux pour tes études? Tu dois être sage comme un homme. Les destinées de 5 personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur et le nôtre. J'ai su ce que c'était d'être pauvre, en désirant la fortune pour la donner à mon enfant. Allons, adieu. Ne nous laisse pas sans nouvelles, et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. » Quand Eugène eut achevé cette lettre, il était en pleurs. Il pensait au père Goriot, tordant son vermeil, et le vendant pour aller payer la lettre de change de sa fille. « Ta mère a tordu ses bijoux, » se disait-il. Rastignac ouvrit la lettre de sa sœur. « Ta lettre est venue bien à propos, cher frère. Agathe et moi, nous voulions employer notre argent de tant de manières différentes que nous ne savions plus à quel achat nous résoudre. Agathe avait 200 francs. Moi, mon pauvre ami, je n'ai que 50 écus. Je suis bien puni. Je voudrais jeter ma ceinture dans le puits. Il me sera toujours pénible de la porter. Je t'ai volé. Agathe a été charmante. Elle m'a dit, envoyons les 350 francs à nous deux par le bureau des messageries royales. Adieu, cher frère. Jamais lettre n'a porté tant de vœux faits pour ton bonheur, ni tant d'amour satisfait. Tu auras donc bien des choses à nous dire quand tu viendras. Tu me diras tout à moi, je suis l'aîné. Ma tante nous a laissé soupçonner que tu avais des succès dans le monde. Adieu, adieu. Ta sœur qui t'aime, Laure de Rastignac.